Vas-y, Fonzie. À Harley, on écoute ta piste. Vas-y, Fonzie. Même si John ne tient même plus de tout. Vas-y, Fonzie. T'as toujours cru, c'est ça qui est beau. T'as vu ta gueule te me t'arrêter. Vas-y, Fonzie. Avec tes casques à tête de mort. Vas-y, Fonzie. Harley, on écoute ta piste. Vas-y, Fonzie. Même si John ne tient même plus de tout. T'as vu ta gueule te me t'arrêter. Performant, vu qu'on est performant.